On approche tout doucettement de la fin de l'émission de ce soir avec du coup là, tout de suite maintenant, tout d'abord, Blood Rust. C'est une formation pareille qu'on vous présente depuis quelques semaines. C'est du death metal qui nous vient des îles Falkland, plus communément appelé île Malouin. Un one man band porté par un type... Pardon, hyper passionné par ce qu'il fait, et puis bah du coup le seul et unique metalheads vraiment actif de l'archipel, et qui existe du coup sous ce nom là depuis 2010. D'ailleurs on peut le voir en photo avec un magnifique suite Sea Shepherd. Qu'est-ce qu'on peut dire, deux albums qui ont vu le jour en 2020-21 sur le label colombien Master of Chaos, label que l'on cite à plusieurs reprises ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc on est sur un death old school, inspiration presque war death, hein, Bolthrower, Isles of Bullets en tête. Une batterie programmée qui à la fois peut gâcher un peu le côté... comment dire, viscéral du tout, mais qui rajoute une touche martiale au war death. Ouais, ça relève un peu le côté organique, naturel, propre au style, hein, parce que souvent, death metal, war death, on pense du coup à Bolthrower, Hell of Bullets, où il y a un son très viscéral, très old school, et là, ça se ressent un peu moins dans la batterie. Par contre, au niveau des guitares et des parties vocales, ça rend vraiment hommage à ces groupes qui ont dû influencer le bonhomme derrière Blood Rust. Et du coup, ce troisième effort studio s'intitule Glow at Glory's End. Et pour le coup, il sort chez Archaic Sound et non pas Chaos Prod. Outlaw, ensuite, avant-dernière nouveauté de l'émission de ce soir. Là, on reste en Amérique du Sud. On va direction Sao Paulo, au Brésil, pour un groupe de black metal actif depuis 2015 qui vient de sortir un troisième album chez Art of Propaganda Records. On est sur un BM qui sonne comme beaucoup d'autres qu'on a diffusé ces derniers temps, qui sonne comme du black suédois. On pense d'abord à du Vatain, mais aussi à des groupes de black death mellow des années 90, puisque c'est très marqué au niveau des parties de guitare mélodique. Ça rend vraiment plutôt bien, parce qu'il y a cette alternance de passages agressifs avec des passages plus mélodiques vraiment soignés. Et alors ce qu'ils font, c'est pas nouveau, c'est pas original, mais ils le font vraiment bien, et ça nous renvoie encore une fois au milieu, fin des années 90, avec du coup ce troisième album pour le groupe Outlaw. Voilà, et puis dans le style, au niveau de l'attitude sur les photos, etc., moi je trouve que ça renvoie vachement à du Belphégor. Et puis quand on zoome un peu sur la photo, justement, il y a des icos qui portent un t-shirt Vatain, donc très inspiré par la scène Black 90s européenne. Reaching Beyond Athia, le troisième effort studio pour Outlaw. On s'écoute donc le morceau Vermin de Blood Rust et The Unending Night, signé Outlaw. C'est parti. Denial of truth, history's a lie, ignorance shows. Void for time, cause. La suite donc avec la toute dernière nouveauté de l'émission de ce soir, Imen Holocaust, alors un titre, un nom de groupe absolument classieux. Ça nous vient du gratin de la scène grind hollandaise, puisque tout simplement Imen Holocaust, alors j'avoue que je ne sais plus trop dans quel ordre, hein. Je crois que Clit Eater est plus ancien que Imen Holocaust, hein. De toute façon ça tourne à peu près toujours autour du même sujet. Le groupe est actif depuis 2005, et voilà, ils sortent une nouvelle galette, hein, le précédent datait de 2015, et putain, Imen Holocaust, je les ai vus au à la pré-partie du Grindhoven 2016. Imen Holocaust aurait dû jouer à la deuxième édition du Lochen Grind, en même temps que Clit Eater, bon, un souci de calendrier fait que Zico ça a pas pu venir, donc le groupe a annulé. Alors, bref, anecdote. Voilà, le Ulf, le vocaliste de Imen Holocaust et Clit Eater, du coup, a annoncé récemment la fin de la carrière de Clit Eater. Logique donc de voir le projet Imen Holocaust ressorti du placard. Le troisième effort studio voit le jour chez Rotten Rollerex. Sixième. Hein ? C'est le sixième. Et j'ai dit ? Troisième. Oui, parce que le troisième était déjà sorti chez eux en 2010. Voilà, je me mélange dans les infos. D'ailleurs, c'est un petit peu le retour du label allemand, parce que leur dernière prod, c'était le Gutalax. Oui, et ça remonte. Voilà. Voilà, c'est groovy, c'est baveux, c'est sale, c'est voilà, l'espèce de gore grind, death gore grind, que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Et puis sur scène, ça joue en tenue de prisonnier américain avec des cagoules, et puis surtout Ulf, le vocaliste, il arrache bien comme il faut, alors que c'est pas un petit jauneau. Et en doublette on retrouve Ulf, ouais c'est ça, formation islandaise, démarre-toi avec ça. un groupe qu'on a présenté il y a 2 semaines. Et du coup, après Outlaw qui faisait du Black Death mélo suédois, ben, là on a un groupe islandais qui fait aussi du Black Death mélo suédois. C'est vraiment trop bien. Oh bah dis donc! L'influence et l'importance de cette scène, bah, 25 ans, 30 ans après toutes les pépites qu'on a eues de par là-bas. Donc, c'est un groupe qui est actif depuis 2015, qui vient de sortir son premier album chez quand même Dark Descent Records. Donc, c'est quand même un label de référence. Une belle signature en ouverture. Et donc, c'est qui nous fait un Black Death un petit peu mélodique. Forcément, donc, sauce suédoise, on pense à du nécrophobique ou dissection. C'est pas original, mais c'est encore une fois très bien fait. Et puis on ressent quand même un petit peu ce côté islandais un petit peu dissonant, travaillé dans les atmosphères, dans les ambiances. Donc encore une expérience plutôt intéressante à découvrir avec Ulwus. Donc qui va apporter un petit peu plus de, je vais pas dire non plus de finesse par rapport à Menolocos, mais quelque chose un peu plus travaillé quand même. Tout à fait. Blood on the Rocks de Menolocos, extra album The Death King. Ulfouf, Mercury Theater, extrait d'album of Existential Distortion, c'est parti, et c'est l'avant-dernière doublette pour ce soir. We'll be right back. On va clôturer l'émission avec une doublette dans la doublette, un hein, Smallpox. J'ai perdu la deuxième partie du nom. Smallpox Aroma, voilà, c'est absolument incroyable comme nom de groupe. Ça nous vient de Bangkok en Thaïlande. C'est du grindcore de très très grande qualité d'ailleurs. C'est le premier véritable album Festering Embryos of Logical Corruption. On a vraiment du grindcore qualitatif avec cette petite folie typique de l'Asie du Sud-Est. On s'écoute le morceau. Oui, je crois qu'on écoutait une doublette. Non, c'était un morceau unique, Inescapable Visceral Erosion. On se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous dans 3 semaines pour une nouvelle émission en direct. D'ici là, bien sûr, participez aux concerts locaux, particulièrement rendez-vous dimanche prochain au Cana pour la prochaine soirée Catharsis. C'est parti, bonne fin de soirée à toutes et à tous, à bientôt, ciao ciao.